abandonne quand vient la nuit. Désir futile de vivre à contre-courant quand la pensée n'est plus. Observer autour et voir les faces cachées des gens, se surprendre à rire l'espace d'un instant. Dans son appart tout rangé, vie falsifiée pour les apparences qui nous trompent tant. Comme les nuages gris que j'aperçois là derrière la fenêtre, ses limites, fixer les étapes et foncer. On saura déjà se régaler, juste apprendre à sourire, juste se faire plaisir, juste vivre. Juste oser être soi, juste oser lâcher du lest, juste oser avec fierté. Juste oser être soi, juste oser lâcher.